Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bienvenue sur Arc-en-Ciel, merci. Alors, Christophe Lemaire, déjà, est-ce que c'est ton vrai nom, c'est un nom de scène? Il faut qu'on en sache petit peu plus. Hein. Ah oui, parce que j'en aurais pris un plus joli si t'avais l'info. D'accord. Pardon papa, non, je veux dire par là que, voilà, on m'a embêté toute ma vie, d'où venait mon nom Lemaire? Alors pour les plus vieux, on veut tous faire référence à une chanteuse bien connue. Et donc bon, j'en ai soupé toute ma vie de ce nom-là. Mais bon, il y a pire. Hein, d'accord. Non, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est l'orthographe de mon prénom qui change. Il y a un Y et il n'y a pas de... Voilà. Eh bien voilà, c'est pour ça que c'est juste la petite consonance qui a changé. Donc c'est au niveau du prénom Christophe. Alors Christophe Lemaire, tu es un garçon, ça s'entend à ta voix, tu es un chanteur. Ah, et oui, il faut le dire. Parce qu'on entend une petite chanson derrière, mais tu es pas un chanteur comme les autres. Tu as quelque chose de différent, je crois. Hein. Je ne sais pas, c'est ah ouais celle qui m'écoute de le dire. C'est-à-dire que, oui, voilà, je peux me permettre pas mal de fantaisie avec ma voix, on va dire. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais que tu me dises, c'est qu'avec ta voix, en fait, tu as une voix qui donne, qui a une consonance, mais tu arrives à travailler ta voix et lui donner différentes impulsions, ce qui n'est pas facile pour un chanteur quand même. Non, enfin, je veux dire par là que moi, je me considère même plus que plus interprète que chanteur. C'est-à-dire que voilà, pour moi, le chanteur se contente de chanter, hein, bon voilà, et l'interprète, eh bien, il va beaucoup plus loin dans la manière de l'interpréter, il est très théâtral. En plus, il interprète ses chansons. Vous voyez un petit peu la nuance. Hein. C'est pas pareil. Un chanteur, ça chante. Tout simplement. Voilà. D'accord, oui, parce que quand je dis ça, parce qu'en fait, quand on lit le dossier de presse, c'est l'homme chanteur aux mille voix, et le spectacle que tu as fait, c'est de voix à voix. Alors c'est pour ça que c'est important de parler justement de cette voix. Absolument, et cette voix, tu l'as travaillée déjà, je crois, de mémoire, depuis l'âge de 4 ans, non? Tu as commencé un petit peu à faire l'andouille avec. Oui, c'est-à-dire que j'ai jamais pris de cours, je suis un autodidacte hein, dans la musique en général. Je me suis toujours. C'est une passion, étant donné que mon papa était ingénieur du son, un des meilleurs sonorisateurs de France dans les années 70. Donc je suis né dans ce milieu. Je vais dire tout à fait modestement, j'ai pas de mérite parce que je suis né dedans, un enfant de la balle comme il en existe beaucoup. Donc voilà, J'ai fait ce métier comme un enfant de boulanger pour devenir boulanger, c'est pareil, je suis né dans la pâte, quoi. D'accord, mais une belle pâte, parce que quand on voit, tu as fait quand même pas loin de 4 Olympias, c'est quand même une belle pâte déjà. 5 même. 5, alors on est. Oh voilà, je suis pas à jour alors. 5 alors. J'ai compté un passage quand j'étais tout petit, quand j'avais 4 ans, donc c'est là que j'ai foulé la scène en premier. D'accord. Donc c'était en 1974 exactement. Donc ça remonte un petit peu. Hein. Voilà, au total ça fait 6. Ouais. Alors justement, quel est ton plus joli souvenir de concert que tu peux avoir ou de rencontre avec le public? Est-ce qu'il y en a, une qu'on peut sortir du lot? Très difficile. Ouais. Franchement, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais je ne sais pas, j'avoue ne pas savoir vraiment répondre. Parce que j'en ai tellement eu des beaux souvenirs de scène, merveilleux, je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. Je peux pas répondre à cette question parce qu'il y en a, eu trop. Peut-être, ça remonte à l'enfance puisque c'est là que tout a commencé. Et donc, oui, quand j'étais sur scène à 4 ans avec Alain Barrière, donc Alain Barrière encore pareil, quelqu'un que les plus de 20 ans peuvent connaître. Qui m'a avec lequel je suis monté sur la scène de l'Olympia, et là j'ai commencé à découvrir vraiment ma vie d'artiste. C'est peut-être le souvenir impérissable, certainement. D'accord. Celui-là. Ah bah ça c'est vrai que c'est un beau souvenir, monsieur Alain Barrière. Et maintenant ça fait plus de 40 ans déjà. Oui. Donc tu as plus de 40 ans de scène alors. En gros, on va dire. En professionnel, ça fait 30 ans à peu près. Oui, en professionnel, 30 ans. Ah oui. Ça ne rajeunit pas. Hein, oui. Ça, parce qu'on va dire que le vieux. Quand je discute avec des chanteurs, on en discute et il y a des moments où je me dis ça me rajeunit pas non plus de t'entendre parce que dernièrement j'ai eu il y a un petit moment monsieur François Corbier, l'ex du club Dorothée, un ami, et quand on a discuté avec lui, c'était ma jeunesse à moi, et il me dit mais ça me rajeunit pas, mais j'ai dit mon pauvre François, moi non plus finalement, ça me rajeunit pas non plus. C'est le bon souvenir. C'est exactement la réflexion que j'ai fait à Jackie l'animateur, qui est donc un copain de Corbier aussi. Oui. Et puis, puisqu'on est en Corbier et moi on est avec BMG Fil Rouge, la même agence, donc évidemment on passe un petit peu dans les mêmes endroits, ce qui est normal. Et bien voilà, oui. Et puis donc Jackie, je suis passé dans son émission il y a très peu de temps, je lui ai dit écoute, on s'était déjà vu l'année d'avant, je vais te dire un truc, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais t'as pas changé, parce que moi je te voyais les patients, je me suis dit dans la télé, mercredi. Et je te regardais faire le con et t'as pas changé, tu fais toujours le con, t'es le même. Et Jackie, 68 ans, n'a pas changé. Ouais, je suis d'accord. Bravo, moi je dis bravo. C'est exactement ce que je leur ai dit, on les voit régulièrement et quand on discute avec eux. Ces gars-là, ils vieillissent pas. C'est exactement et ça. Et la passion du spectacle, la passion de la musique, elle fait que on est toujours jeune. Je prends juste en exemple que pour Aznavour, bon, il a l'âge qu'il a, il a les problèmes d'audition et compagnie qu'il a, mais Aznavour sera toujours jeune. Et puis voilà, ils sont tous comme ça. Et voilà, quand on est un véritable artiste, je crois qu'on reste jeune toute la vie. Toute la vie, voilà, c'est ça, en plus. Bah voilà, ah, ouais, ça c'est merveilleux, secret. Franchement. C'est un secret, voilà, qu'on ne dira pas. Je suis très prétentieux au passage, je remarque que je suis très prétentieux, je dis véritable artiste, ça veut dire que je me considère comme véritable artiste. Alors oui, parce que c'est ma passion depuis l'enfance, alors je peux être un mauvais ou un bon, donc de toute façon j'en suis un. Voilà, c'est ce que je vais te dire pour ma défense. Mais tu es un véritable artiste, moi quand j'écoute ta voix et les chansons, oui, franchement j'ai dit oui. Justement, dans les chansons, est-ce qu'il y aurait une reprise ou une chanson que toi tu aurais aimé écrire, que t'as pas écrit et tu te dis tiens, ça pourrait me correspondre, tel artiste a fait ça et franchement je me vois bien avec cette chanson-là. Alors, je vais te dire un truc. Financièrement, j'aurais beaucoup aimé écrire Belle de Notre-Dame de Paris. D'accord. Financièrement, j'entends. Oui. Bah moi, c'est. Moi, j'aimerais bien écrire Born to be no life dans ce cas-là. Aussi. Ah oui. Une chanson, oui, et là, tu as jackpot à vie, donc c'est vrai. J'ai souvent travaillé avec Patrick, enfin je suis passé sur scène avec Patrick Hernandez et c'est vrai que je l'enviais pour ça. Enfin, tout le monde peut l'envier pour ça, une vie. Mais quelque part, oui, bon, il y a le côté financier, mais moi je dirais que, enfin bon, pour ma part, c'est pas l'argent qui compte et en premier, c'est la passion, et quelque part, même si on gagne énormément d'argent avec un titre toute sa vie, ça doit être frustrant de ne pas avoir pouvoir faire découvrir d'autres choses. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. J'ai travaillé aussi il y a un an et demi avec Sloan, avec lequel j'ai réinterprété le tube Besoin de rien en vidéo toi. Et cette chanson, elle vivra toujours. Le problème est que Sloan n'a jamais pu imposer autre chose, bien qu'elle écrive d'autres choses. Elle ne peut pas, parce que les gens en fait ne s'intéressent qu'à un seul morceau. Voilà. C'est un peu triste, ça. Oui, c'est dommage. C'est l'histoire. Alors justement, moi, puisque tu m'as parlé de Belle, on va écouter ta voix avec Belle, une reprise que tu as fait alors. Oui, bah ça fait partie donc de mes spectacles de transformiste vocal, donc pendant lesquels, pendant une heure et demie, deux heures, ça dépend, où j'emmène les gens autour du monde pour leur faire redécouvrir les voix. Donc j'insiste bien sur le côté que ce n'est pour moi pas de l'imitation, mais c'est un cran au-dessus de l'imitation, c'est-à-dire la reproduction la plus fidèle possible des voix. Voilà, parce que l'imitateur, comme je dis souvent, c'est Laurent Gérard, qui est un excellent imitateur, hein, mais qui va parodier. Voilà, il va parodier, il va faire des sketchs, il va faire des trucs, il va reprendre une chanson comme la cabane au fond du jardin, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je veux que chanter du Sardou, c'est la chanson de Sardou. Chanter du Johnny, c'est la chanson de Johnny. Voilà. Telle qu'elle est, pour que les gens, en fermant les yeux, se disent waouh, on dirait que Sardou est là. Voilà, tu l'interprètes avec ta voix au maximum. J'essaie de me rapprocher au plus possible. Ouais. D'accord, eh bien on écoute tout de suite ce que ça donne. Christophe Lemaire, Belle sur Arc-en-Ciel. Merci. Celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux de Smeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux? La porte du jardin. esmeralda. Malgré ses grands yeux noirs qui vous encensaient, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinelle, chez moi vous êtes infidèle. Ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour de Smeralda. Alors Christophe Lemaire, auteur, compositeur, interprète et transformiste vocal. Et c'est vrai que quand on ferme les yeux, on s'y croit, on se croit être au Casino de Paris ou les grandes salles de Paris, l'Olympia ou autre, avec pourquoi pas la comédie musicale derrière nous, c'est vrai. C'est le but, c'est agréable aussi pour moi de voir les gens qui sont complètement emportés. En plus, dans une soirée, ils peuvent aller de Sardou à Sinatra, de Michael Jackson à Charles Trenet, de Notre-Dame de Paris à plein d'autres gens, quoi. Voilà, parce que bon, et puis alors bon, il y a ce côté-là, et puis entre les deux, et ben je chante aussi mes chansons, parce que ça c'est important aussi. J'essaie de les mettre en avant le plus possible, hein. D'accord. Et une chanson comme ça a cappella que tu pourrais nous faire pour Arc-en-Ciel? À cette heure-là, au téléphone. Ouais. Ah, nous, on est fous ici, tu sais. Oui, mais moi aussi, je suis fou. C'est pas facile, café là comme ça. Au réveil, oui, c'est pas facile. Non, on réveille pas tout à fait, on réveille quand même, parce que avant j'étais un oiseau de nuit quand j'étais plus jeune. C'est fini. Voilà. Non, mais sinon voilà. Et donc dans tes compositions, en fait, tu t'accompagnes toi-même, tu joues de musique, tu es avec plusieurs musiciens. Oui, sur scène. Complètement. C'est-à-dire que sur scène, je ne m'accompagne pas parce que je suis un piètre musicien de scène, mais je suis un musicien de composition. C'est-à-dire que voilà, je compose énormément, je fais mes arrangements, je fais des arrangements très très très classiques, très. Enfin, quand j'entends par classique, il y a beaucoup de musique. Je suis très corde, très violon, très tout ça. Bon, il y a plein de. Et oui, voilà, oui, ça part de la première idée, ça sort de ma tête, ça arrive à mes mains, ça passe par le clavier, et après voilà, je fais tout. C'est un petit peu frustrant des fois de faire tout parce qu'on est un petit peu seul. Oui. J'avoue que je suis très seul musicalement, artistiquement, je suis très seul parce que bon, bien il y a un avantage aussi, c'est qu'on s'engueule pas avec les autres et qu'on peut mener à terme son projet tel qu'on l'entend. D'accord. Mais ce que disait un comédien que j'adore, qui est Alexandre Astier, qui disait que quand il écrivait Kaamelott, il écrivait seul, et ça le dispensait pas de faire des erreurs qui des fois étaient flagrantes, mais par contre on sentait l'authenticité, elle était là, il a fait une boulette, mais c'est la boulette, c'est la sienne, elle sort de son esprit. C'est un petit peu comme ça que je vois mon métier. Je répète pas trop, je déteste ça. D'accord. J'aime bien donner au public de l'authenticité, c'est-à-dire que si je passe 10 fois au même endroit avec 10 publics différents, le spectacle n'aura jamais la même couleur. Il sera toujours différent chaque soir, parce que j'aime pas dire la même chose tous les soirs. J'aime pas. Voilà, j'ai connu énormément d'artistes, j'ai travaillé avec énormément d'artistes de grands talents, hein, mais qui ils passent pendant un mois au même endroit, ils vont dire et chronométrer pile la même chose, les mêmes mots chaque soir. Chose que j'aime pas du tout. J'aime bien inventer au fur et à mesure. Parce que là, il y a l'authenticité avec le public et on rigole et on pleure avec le public. Ben, pas de la même manière le lundi que mardi. Voilà. Et ça, je suis d'accord. Moi, j'adore les tournées d'artistes où, justement, comme tu dis, il y a cette petite part d'improvisation, ce petit fou rire entre musiciens parce qu'il y en a un qui a fait une note de plus ou de quelques trucs en plus pour déconner, parce que ça arrive qu'on part dans un délire. Et là, on regarde, on se dit, tiens, le chanteur, il est perturbé. Et je pense que nous, en tant que public, c'est ce qu'on adore, de voir la complicité entre musiciens et la déconnade qui peut arriver. Ouais, moi, je vois un groupe de musique que j'affectionne particulièrement, c'est le plus gros, plus vieux groupe groupes bretons français, hein, le groupe Trian qu'on connaît bien. Et Trian, par exemple, je les ai rencontrés, je discutais avec eux, et c'est vrai que dans tout leur spectacle live, ils essayent de ramener ce petit côté veillé d'autrefois. Et donc le conteur fait son histoire. Et c'est vrai que bon, à force, les copains, hein, commencent un petit peu à connaître la fin, mais il s'en va dans des délires, et des moments, moi, les musiciens ont été carrément dans la salle, se faire prendre au jeu et ne pas savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter, parce que voilà, c'est imaginé, c'est tous les soirs on ramène un petit truc et une complicité avec le public, et moi je trouve que ça c'est merveilleux, parce que le public a besoin de voir que le chanteur, il y a pas de barrière, il est là, il descend dans la salle, il discute, il est totalement comme eux. Oui, c'est ce qui est... Ouais, c'est le côté théâtre. C'est pour ça que je reviens sur le fait que je suis pas chanteur, tout ça. Je suis interprète et que on interprète, on interprète avec plus ou moins de sourire, plus ou moins de larmes. Et puis c'est comme au théâtre, quand les comédiens ont un trou, qu'il se passe quelque chose ou un fou rire, ça engendre une bonne humeur dans la salle. Tout le monde rigole parce que on aime beaucoup ce côté improvisé, ce côté on n'est pas des machines, on est des humains et on se trompe comme tout le monde. Ça c'est super. Ça. Et ça moi je me bats vraiment pour garder ce truc-là, pour ne pas trop répéter. Alors, c'est vrai que des fois, je fais des erreurs et après le spectacle, je me dis « Merde, j'aurais pas dû le faire celui-là, c'est pas bien. » Mais c'est pas grave, c'était authentique. Oui. Et c'est ça. Et je reproche du niveau où je suis. Attention, je me sens pas plus haut que je ne suis. Il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont beaucoup moins de métiers, qui sont des superstars dont on parle tous les jours et qu'on voit à la télé. Ça, je m'aveugle pas là-dessus. Mais je reproche à beaucoup de gens, justement, d'être trop formatés et d'être vraiment, surtout dans la nouvelle génération, vraiment... C'est carré, c'est comme ça, on sort pas de la ligne. Et puis voilà. Bon, moi j'ai toujours été livré à moi-même. C'est peut-être pour ça aussi que je me permets toutes les fantaisies que je veux. Et qu'aujourd'hui je pourrais pas avoir peut-être un directeur artistique qui va me dire tu fais comme ça et pas autrement. Je dirais bah moi je fais ce que je veux et je t'emmerde. Désolé, j'ai mon franc parler. Bon bah désolé ouais, Pascal. Hein. Voilà. Non mais Pascal non, il est merveilleux. Pour l'instant il m'a pas embêté mais s'il m'embête on verra. On va l'attacher par les pieds, on va le traîner derrière le chariot. Voilà. Ouais, voilà. Non mais voilà, je pense qu'il y a en fait entre les deux parties, entre les gens qui font travailler et les gens qui travaillent. Bah peut-être dans le marché du travail normal, c'est un endroit où je mettrais pas trop mes pieds parce que je sais pas trop de quoi je parle, pardon, mais il y a un manque d'humanité. Il y a un manque d'humanité partout, de toute façon on le voit bien dans notre monde actuel, il y a un manque d'humanité. Oui. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, et ceux qui sont en haut donnent des ordres, et ceux qui sont en bas baissent leur froc, et ça j'ai horreur de ça, et c'est pas demain que je vais commencer. C'était pour la petite aparté. D'accord, ouais. Et j'allais te demander ton coup de cœur et ton coup de gueule, donc on a eu le petit coup de gueule, c'est bien déjà. Voilà. Oui, le coup de gueule j'en ai un paquet, ça, c'est, on n'aurait pas assez d'une émission pour que tu les exposes, ah bon, bon. Ça c'est clair. Et enfin tu viens de nous voir voilà. Alors donc Christophe... Excuse-moi, je te coupe une dernière fois. Je suis un admirateur, un fan, pas trop le mot, de Balavoine, déjà. Alors, ouais. Niveau coup de gueule, on est bon. Oui. Alain Barrière, qui a été mon mentor, on est bon aussi. Bon. Le Breton, coup de gueule, ça c'est bon. Claude François, que j'admire plus que tout. Alors là, on est à fond dans les coups de gueule, hein, donc c'est bon. Je suis bien parti. Bon, bah c'est bon. Voilà. Tu as presque la coupe de Claude François, donc ça va. Hein. J'ai, pardon. Tu as eu presque la coupe de Claude François, alors c'est bon. Ah oui, aussi, quand j'étais enfant. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Et c'était naturel. Hein. Voilà, naturel. J'ai bruni naturellement. D'accord. Pourquoi ? Alors, Christophe ouais. Lemaire, on rappelle aussi, tu es aussi auteur-compositeur, mais de livres, hein, entre autres Le fauteuil rouge, La petite fille du manège, Le chemin à l'envers, La fabuleuse histoire de la belle équipe. Il y en a un paquet. Oui. Hein. Alors, justement, dis-nous un petit peu. Ça commence un peu. Ouais. Tu as combien une dizaine, quinzaine de livres ? Non, pas tant que ça, oh là là, là tu me surestimes. J'aimerais bien alors. Non, j'ai mon autobiographie, j'ai commencé par ça parce que j'ai toujours été... Bon, alors moi j'étais un piètre étudiant, hein, j'ai jamais aimé ça. Parce que je suis né dans la musique et que la seule envie c'était de faire de la musique et du spectacle. J'étais un clown, il fallait que je fasse ça. Mais j'étais mauvais parce que je ne supportais pas les études et déjà petit, j'aimais pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Bon, mais par contre en français j'étais toujours le premier. Et donc je ne supporte pas les fautes d'orthographe, je ne supporte pas les fautes de langage. Et donc... j'aime écrire et il y a quelques années après l'Olympia, j'ai voulu faire un livre. Je me suis dit, t'es prétentieux parce que t'es pas une star et puis tu vas écrire ton autobiographie, ça va intéresser qui ? Et puis je me suis lancé quand même parce que étant sur scène depuis l'âge de 4 ans, j'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'enfoirés à dénoncer, beaucoup de gens merveilleux à remercier. Donc allons-y, faisons-le. Ça a donné un livre de 455 pages qui raconte toute ma carrière et qui finalement, à compte d'auto-éditeurs, m'a quand même montré que beaucoup de gens s'intéressaient à des artistes comme moi qui n'ont pas eu la chance de devenir des stars, voilà, mais qui ont un vécu. Et voilà, et les gens se sont intéressés à cette histoire parce que, après tout, bon, tu sais comme moi que on est aussi dans une génération très people et que les gens aiment savoir la vie privée des autres. Oui. Ça, c'est clair. Donc ils aiment savoir, merde, qu'est-ce qui t'est arrivé à ce gars-là? Il a traversé plein de trucs pas marrants, qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord. Donc ça a marché. Enfin, ça a marché, oui, ça a eu quand même un assez bon succès. Puis alors après, dans ma lancée, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, écrire un premier roman, puis un second, puis maintenant je vais continuer, voilà. Puis peut-être que je terminerai même ma vie en étant juste écrivain. D'accord. Voilà, parce qu'on n'est plus, à part Aznavour, à 90 ans, on est rarement chanteur, donc, mais par contre, on peut toujours être écrivain, et ça fait bien, parce qu'on a une éternelle jeunesse. Bon, t'as le temps encore. Et donc justement, dans les voix que tu interprètes sur scène, Jonas, Aznavour, Sinatra, Sardou, Beko, Clo-Clo, Lama, Elton John, Michael Jackson, Johnny Balavoine, Maurice Chevalier, Trainé, Bruel, Garou, Renaud, enfin on en a un, Alain Barrière et encore beaucoup beaucoup d'autres. Parle-nous un petit peu de ce show Michael Jackson, parce que tu chantes, mais t'es complet en fait, tu chantes, tu danses sur scène, tu te mets en scène quand on entend derrière nous Belle, hein, on sait que tu te mets un petit peu aussi en scène du personnage, tu écris des livres. Alors Michael Jackson, c'est tu étais jeune, ça a bercé ta jeunesse et t'as voulu reprendre ça. Michael a accompagné les trois quarts de ma vie, étant donné que j'ai été fan à l'âge de 12 ans, hein, oui. 13 ans, et aujourd'hui bon bah j'ai l'âge que j'ai, bon j'ai pas loin de 50 quand même, pas très loin encore. Et voilà, donc Michael c'est trois quarts de ma vie, et donc j'ai travaillé grâce à lui, j'ai été sur scène grâce à lui. Quand je dis grâce à lui, c'est parce qu'il m'a inspiré, et que dès mon plus jeune âge j'ai commencé à faire des shows Michael, à l'imiter, à danser, à machin, bon. Et puis voilà, toute ma vie, dans tous mes spectacles, il y avait un grand passage Michael avec des chorégraphies, c'était un bonheur pour moi de faire ça. Et puis c'est sûr qu'en prenant de l'âge, lui il en a pas pris, parce que même juste avant de partir, il était encore svelte, il était encore lui-même. Bon, et puis moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Christophe, arrête, ralentis, parce que là, à un moment, tu vas finir par être ridicule, et on va dire, attends, faut qu'il arrête, il a plus le... Bon. Donc c'est délicat, en plus, j'ai jamais été mince comme un fil, comme lui, hein, non plus. Donc, mais ça a toujours été ma passion d'être Michael, d'être lui. Et puis malheureusement, quand il est parti... J'avais un contrat qui était signé pour j'avais refusé, mais j'ai accepté quand même de faire ce contrat pour fêter son retour sur scène. D'accord. C'était un très gros show. J'avais dit, bon, je vais le faire, mais je vais faire un petit truc. Je vais chanter vraiment cool, tranquille, je vais pas faire le sosie, rien du tout. Hein. Et puis, il est parti. Et là, ça m'a déjà fait perdre 15 kilos, et tellement j'ai été déprimé. Et je me suis dit, il faut que tu fasses un dernier show en hommage, ce qui a donné ce très grand spectacle qui s'appelait le Bad Tribute Show. Et donc on a fait quelque chose donc c'était Remember the Time Tribute Show. Et donc voilà, et j'ai tout pris en main, et je me suis dit, si t'es pas capable de le faire là, c'est que t'es plus capable de rien. Et j'ai eu sa force. Il m'a transmis, je ne suis ni croyant ni rien du tout, mais il m'a transmis une force qui est complètement indescriptible. Et quand je suis monté sur scène, il était en moi. Et pendant 2 heures, j'ai assuré un show en chorégraphie et en voix, tout seul, sans danseur, sans musicien, sans rien. À la fin du premier titre, j'ai dit, putain, j'arriverai jamais au bout, c'est pas possible, je vais perdre tout mon souffle. Et j'y suis arrivé, parce qu'il était en moi. Alors depuis, c'était donc en août 2009. Je sais pas si je serais capable de refaire ça, parce qu'il faut une énergie complètement incroyable. Mais au moins, je l'aurais fait. Voilà. Mais enfin, c'est pour dire que oui, Michael, c'est toute ma vie, et il ne se passera jamais un seul récital où il n'y aura pas une ou deux chansons de Michael. Une ou deux chansons de Michael. Bah justement, derrière nous, là, on écoute un tout petit extrait de Michael pour voir. Allez, on écoute. Ah ouais. Un extrait de Christophe Lemaire à l'Olympia avec Michael Jackson. J'ai reconnu. Ouais. T'as reconnu le chanteur? J'ai reconnu que c'était Al Olympia. Il y en a tellement. Cette chanson Black or White, j'ai dû l'interpréter 10 000 fois où je ne l'ai pas interprétée. Donc, mais à chaque fois, j'arrive à dire c'était à tel endroit. Voilà. Ah oui. En plus, forcément, sur la scène de l'Olympia, c'est quand même mythique, faut l'avouer. C'est complètement, oui, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, enfant de la balle, c'est ce qui m'a valu quelques petits pics à l'époque en disant ça y est, il fait l'Olympia, il a la grosse tête. Je tiens encore à dire que je n'ai jamais eu la grosse tête de ma vie. Je suis né dans le spectacle. L'Olympia, je l'ai foulé quand j'avais 4 ans. Et quand j'y suis retourné à l'âge de 40 ans et que mon nom était enfin écrit là-haut, j'ai simplement dit, et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, je pense, à l'époque, j'ai simplement dit ah, bah merde, quand même, ça y est, j'y suis revenu. Ouais. C'est ma place, c'est mon endroit. Oui. C'est là que je dois être. C'est pas de la prétention. C'est tracé, c'est un destin. Dis bon. Et puis alors là, aujourd'hui, malgré que ça ne m'ait pas apporté ce dont je rêvais, parce que pour X et X raisons, des problèmes qui se sont passés derrière, ça c'est autre chose. Oui. Je ne dis pas que jamais j'y remonterai plus. On ne sait jamais, mon destin il est comme ça. Et je vais me battre pour un jour y remonter. Faut dire à ceux qui sont jaloux, bah écoutez, prenez votre carnet de chèques et louez l'Olympia pour vous, hein, puis voilà. Il faut leur dire. C'est ça. Alors j'ai les tarifs, si c'est un c'est environ 40 000 euros. Hein, oui, donc, voilà. Mais c'était ça. 37 il y a quelques années, donc ça doit augmenter 40 000, on va dire. Ouais, voilà, mais c'est pour ça, moi c'est ce que je dis, hein, quand quelqu'un me dit, ouais, mais t'as la chance de ça ou ça, bah écoute, fais comme moi, sors ton carnet de chèques et puis paye la douloureuse et t'auras le plaisir d'aller là-bas. Et même pour 40 000 euros, on vous mettra vos lettres rouge devant la devanture. Il faut... Ah oui, mais je crois que les lettres, c'est en plus des 40 000. Hein. Ah, bon, ben, il faudra rajouter alors. Faut savoir que c'est 800 euros la lettre, je le sais. Hein. 800 euros la lettre, donc d'accord. On a intérêt à avoir une initiale. Hein, et c'est ce que j'allais dire. Et là, tu regrettes d'avoir pris Christophe Lemaire. Ben ouais, c'est mon nom. Alors, je te parle pas de la location d'un piano, la location de la boutique, la location de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est obligé d'être suivi par des productions. On peut pas s'en sortir tout seul, on est bien d'accord. Un artiste tout seul ne peut pas s'en sortir. C'est pas vrai. C'est tout à fait logique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut remercier. Qu'on est un petit peu tous. Et c'est pour ça que je lance un appel en direct à la radio avec l'agence BMG Fil Rouge, donc qui me représente, donc Pascal Dia et Martial Benamou, que j'embrasse au passage. Ah oui. Donc on s'associe tous. Et puis il y a quelqu'un que j'aimerais embrasser tout particulièrement, c'est Véronique Legru, qui est comme mon bras droit, qui est mon assistante personnelle, qui s'occupe énormément de moi, qui travaille nuit et jour pour partager sur tous les réseaux sociaux, pour trouver toujours quelque chose pour un... C'est une femme extraordinaire, donc j'embrasse au passage. Et donc on est tous ensemble pour essayer pour lancer un appel, enfin un appel oui, pour chercher des scènes, pour chercher des tourneurs, parce que l'artiste sans la scène, et ben il s'ennuie, hein, il s'ennuie. Et puis donc voilà. Donc si vous êtes tourneur, si vous voulez monter un festival, des spectacles et machin, sachez qu'on a beaucoup de choses à vous proposer. Voilà. Et promis, c'est moins de 40 000 euros, pas de problème sans lettres rouges, oui. On le fera. Oh oui. Pour les lettres rouges, je veux bien les amener, on va les faire en carton, on mettra des ampoules, on va se débrouiller. Il n'y a pas de souci. Ouais, alors Christophe Lemaire, est-ce qu'il y a un petit site, une adresse où on puisse te retrouver, ton actualité, les albums, est-ce qu'il y a des tournées de prévues? Dis-nous un petit peu plus là-dessus. Alors là, en ce qui concerne les dates et les tournées, ça, j'espère que ça va revenir, parce que bon, il y a eu une cassure. Donc après l'Olympia, j'ai perdu l'équipe avec laquelle je travaillais, etc. C'est pour ça que je me suis retrouvé. Tout ça, c'est écrit dans mon livre. J'en fais un peu la pub en même temps. Le livre s'appelle Presque heureux, de l'Olympia à l'Olympia, et on peut le trouver sur internet, sur Amazon ou sur voilà. Donc il raconte une sorte de descente aux enfers. Parce que tu te doutes bien que les gens se posent la question, disent ce mec a fait l'Olympia, d'accord, et alors, mais alors pourquoi on le connaît pas, pourquoi il est... Et ben voilà, faut lire le livre pour savoir pourquoi après ça, au lieu de monter au ciel, et ben je suis redescendu en bas. Et ça c'est important, hein. c'est ça le vécu de l'artiste qui est important, et là on peut comprendre après. Donc et après donc voilà, j'ai eu plein de mes aventures avec des gens plus malhonnêtes les uns que les autres. Et puis là, donc, actuellement, je suis donc avec une nouvelle agence. Et donc, on recommence. C'est une espèce de recommencement. De recommencement, à zéro, toujours. On remet à zéro et on repart. Voilà, et donc, voilà pourquoi je parlais des tourneurs que nous cherchons, etc., pour remettre sur pied des galas. Mais tout ça, ça va arriver petit à petit. Et puis, donc, j'ai une page Facebook, hein, comme tout le monde, qui a un petit peu, entre guillemets, remplacé le site internet d'avant-guerre. Ouais. Donc, Christophe Lemaire, du moment que vous mettez un Y, C-H-R-Y-S-T-O-P-H. Le Maire, L-E-M-A-I-R-E. Voilà. Christophe Le Maire, bah toujours. Voilà. Faudra que tu nous envoies, il nous manque des morceaux. Moi, j'ai que deux morceaux, il va falloir qu'on voit avec Pascal. Hein. J'ai pas tout de chez toi qu'on puisse diffuser régulièrement parce que franchement. Ah bon, ah, c'est bête. Ah oui. Oui, parce que tant qu'à faire, je préférerais des chansons que j'ai écrites parce que oui. Les autres. Alors là, on entend. Ils actuellement... ont pas besoin de moi, les autres. Bah non, ils ont pas besoin. On entend justement Adelithium. Adelithium. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui te correspond aussi. C'est-à-dire qu'Ad Libitum, c'est une chanson que j'ai écrite en 1993. Attention, les petits jeunes. Oui. Voilà, pareil, hein, ça ne nous rajeunit pas trop. À la suite d'une engueulade avec ma femme de l'époque. Des fois, ça peut. Hein, ça peut faire une chanson. Voilà, on claque la porte, on rentre dans le studio, on dit merde, je suis énervé. Et j'ai écrit cette chanson. Et avec un ami qui a écrit le texte. Et donc, cette chanson, je l'ai toujours confessée parce que je suis quelqu'un de très honnête. Je ne l'ai jamais aimée. J'ai jamais aimé cette chanson. Et je l'ai chantée des milliers de fois. Parce que c'est une chanson que tout le monde me réclame. Enfin, dès l'instant où on la connaît, on la réclame. Et d'après, j'ai commencé mon spectacle à l'Olympia avec ce titre. Et puis quand Michael est parti, eh bien, je l'ai dédié parce que le texte lui colle tout à fait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment trouvé quelque chose à dire dans cette chanson. J'ai attendu 20 ans pour me dire, merde, maintenant elle veut dire quelque chose. Donc voilà, Ad Libitum, on va dire que... C'est mon plus grand titre. Ah oui. Puis en plus, t'adores le mettre pour entre guillemets faire chier ton ex-compagne de l'époque. C'est rien que pour ça que tu le fais en fait. Bah, j'ai déjà tellement écrit pour elle, mais je crois qu'elle m'a oublié depuis bien longtemps. Voilà. D'accord. Et alors moi j'ai vu aussi. Ma bataille, comme on dit. Hein. Voilà. J'ai vu aussi que tu as des petits morceaux qui ont été remixés, entre autres A Night Mix in Paris. C'est quoi ça? Ah ça c'est mon dernier jeu. Ça, je me suis amusé il y a cet hiver. Oui. Parce que je voudrais faire un petit coucou en même temps à mon frère, parce que j'ai un demi-frère. D'accord. Qui s'appelle, son nom d'artiste c'est Scalp. Et son vrai nom c'est Pascal Lemaire, vous pouvez aller le voir sur sa page aussi, Pascal Lemaire. Et donc Scalp, c'est un très très grand musicien. Et il a, entre autres, co-écrit le nouvel album de Céron. Donc c'est pas si mal, hein, Céron. Et puis il a écrit aussi des morceaux pour Guetta. Tout le monde croit que Guetta est un génie. En réalité, j'ai des gens qui travaillent pour lui. Hein, donc oui. Là, c'était mon frère. C'était ton frère. Et mon frère, il est très branché sur ses musiques avec une connotation funky de l'époque, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais te lancer un petit défi, je vais essayer de faire un peu comme toi. Je me suis un peu amusé à la manière où on travaille aujourd'hui avec des pads, avec des trucs comme ça. Et voilà, je me suis amusé à faire un album qui s'appelle Dance Floor, Night Mix in Paris. Voilà, je ne l'ai pas commercialisé, hein, il est en écoute gratuite sur SoundCloud. D'accord. Donc voilà, SoundCloud, Christophe Lemaire, et puis aussi sur YouTube. Et puis, mais bon, voilà, c'est autre chose. Là, c'est carrément de la musique électronique, mais qui m'a permis de voir que le monde entier commençait à se connecter à ce que je faisais. Et j'ai eu même des DJ du monde entier qui m'ont envoyé des messages en me disant wow, great job et tout. D'accord. Ça m'a fait plaisir parce qu'une fois de plus, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. C'est ça qui est important, c'est de se dire voilà, finalement je veux changer, puis s'appeler. Bah ça, il va falloir que tu nous l'envoies aussi, hein, que ce soit en diffusion sur Arc-en-Ciel. Mais il n'y a pas le choix. Avec plaisir, je pense que là ça va toucher davantage le public plus jeune. C'est un petit peu le but d'ailleurs. Bah, nous, en plus, on est toujours. J'aime bien le dire ici, je diffuse toutes les musiques et on adore. Alors moi, je publie plus chansons françaises dans l'émission, mais tout. Tout style, tout musicaux, et on va même d'ailleurs écouter pour finir ensemble A Night Mix in Paris, parce que pour voir ce que ça donne aussi, Christophe Lemaire quand même. Voilà. Ah bah oui. Hein. Ah bah si vous l'avez, c'est génial, j'ai même rien à dire. Oui, on va la trouver facile, c'est pas ce que je préfère. Hein. Non. Pas musique, mais là, voilà, c'est pour te dire, hein, c'est du YouTube, c'est pas ce que je préfère, mais on le diffuse, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Mais Christophe, un grand merci à toi, un bisou à Pascal, à BMG Prod, à tout le monde. Et puis ensuite, ton actualité sur ta page Facebook, on n'hésitera pas à se retrouver. Alors j'aurais aimé honnêtement être là avec vous en direct, ça aurait été beaucoup plus sympathique, mais ça fait quand même très loin et bien sûr. Là je pouvais pas. Donc Alors, voilà. Mais un autre jour, si on a l'occasion de refaire un petit galop, ce sera un grand plaisir de te rencontrer. Voilà. Alors, promis, parce que j'ai en prévision de faire un grand enregistrement live radio ici, comme on fait régulièrement. On a en fait une salle en bas, à l'espace arc-en-ciel, où on fait des enregistrements. Et on va préparer, ça va être très prochainement, dans les mois qui vont arriver. Et vous serez au courant, on va contacter Pascal, les maisons de 10. S'il y a des artistes qui souhaitent venir ici en direct et en public, pourquoi pas, tu seras vraiment le bienvenu. Alors, sans problème. Ouais, c'est noté, alors, super. Pas de problème. Eh bien, Christophe, un grand merci à toi. Bon courage pour la suite. Je ne sais même pas ton prénom. Sébastien, oh oui, j'ai pas dit. Sébastien, voilà, parce que depuis tout à l'heure, je m'aperçois que je sais pas, je suis arrivé en retard, hein, je suis ouais. Vraiment désolé. Hein. Tu peux... Alors, Sébastien, c'est moi qui te remercie de ta sympathie, et puis j'espère ne pas avoir été trop long dans mes réponses, et puis je remercie tous ceux qui sont restés nous écouter. Voilà, on veut vous laisser le temps. Moi, c'est comme ça ici, à Radio Arc-en-Ciel, je laisse le temps aux artistes, aux chanteurs de s'exprimer, de discuter tranquillement et sans langue de bois. Tu as vu, nous, c'est comme ça ici, on est bien, on est ensemble, c'est familial. Allez, à bientôt Christophe et bon courage pour la suite. Merci Sébastien, à bientôt. À bientôt. Et donc on rappelle Christophe, CHRYSTOPH, espace Le Maire, LEMAIRE, sur Facebook, puis sur Internet, partout, SoundCloud, vous pouvez le retrouver. Partout, ouais. À bientôt, bye bye. Merci, au revoir.